France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Delisgorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Continent Science, l'émission que nous vous proposons aujourd'hui a été enregistrée le samedi 13 février à la Sorbonne, dans le cadre du forum L'année vue par les sciences, en partenariat avec Science et Vie et avec le soutien du rectorat de Paris. L'invité, Alain Prochian, administrateur mais aussi professeur au Collège de France, autour de la question « Pourquoi ne sommes-nous pas des singes ?» Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour clore cette année 2015 vue des sciences, ainsi que c'est la troisième occurrence, ou la quatrième, je ne me souviens plus, d'un seul coup. En tout cas, l'habitude est prise. Et donc, ça ne sera pas une leçon, ça sera un dialogue, mais d'abord avec une micro-leçon, si je puis dire, que va faire Alain Prochian. Alain Prochian est neurobiologiste, il est professeur au Collège de France. L'intitulé de sa chaire est un très bel intitulé, je trouve. Cette chaire s'appelle « Chaque fois qu'un professeur est appelé donc à devenir professeur au Collège de France, c'est lui qui choisit la dénomination de son enseignement et de sa chaire. » Et dans le cadre d'Alain Prochian, ça s'intitule simplement « Les processus morphogénétiques ». Et ça dit, en tout cas, déjà par ce mot, que les problèmes des formes et de l'engendrement des formes est une de ses préoccupations dans le cadre de sa spécialité propre qui est la neurobiologie et en particulier du développement du cerveau et beaucoup de choses qui vont avec. Donc l'intitulé, pourquoi ne sommes-nous pas des singes ? Ça formait d'ailleurs un chapitre dont je garde pour l'instant l'intitulé d'un de ses livres qui a maintenant 2 ans, 3 ans et qui s'intitulait « Qu'est-ce que le vivant ?» Et je garde encore cette petite réserve et c'est à vous, mon cher Alain, d'ouvrir la chose. Très bien, mais tant que je vais l'ouvrir, comme on dit. Mais bon, si vous voulez que j'arrête, vous me dites aussi. Je vais vous parler des pourquoi nous ne sommes pas des singes. En fait, j'avais pensé plutôt à singe toi-même au départ, parce qu'on voudrait vraiment que nous soyons des singes. Il y a tas de gens qui pensent que l'animal se rapproche de nous. Ou que nous nous rapprochons de l'animal. Il faut vraiment réfléchir à ce que ça veut dire et aux raisons, ce qu'il y a derrière tout ça, parce qu'il n'y a aucune raison que nous nous rapprochions de quoi que ce soit, puisque l'histoire du vivant et l'histoire de l'évolution nous a mis pour l'instant, en tout cas dans une place qui est bien la nôtre. Et comme vous le savez, nous nous sommes séparés, c'est-à-dire que la branche des hominidés s'est séparée des autres primates, il y a environ 7 millions, 8 millions d'années, vous savez, Lucie, Toumaï, quelque chose comme ça. Donc, et depuis, nous avons divergé chacun de notre côté, parce que les singes, les primates, les autres primates ont évolué à la même vitesse que nous, peut-être même plus vite, parce que la vitesse d'évolution est quelque chose d'assez compliqué à penser, c'est-à-dire que on peut évoluer plus vite dans une branche que dans une autre, ça peut arriver, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous avons au moins 15 millions d'années de différence. 7 millions dans un sens, et 7 millions dans l'autre. Donc ça, on ne peut pas y changer, c'est l'histoire du vivant, et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, comme je dis, si on prend une branche, on peut aller par des évolutions accélérées. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé chez Sapiens, et qui fait que nous sommes des bêtes, bien entendu. Je suis darwinien, je suis athée, je ne crois pas que, quand je dis nous ne sommes pas des animaux, je ne veux pas dire qu'il y ait... Je n'invoque pas n'importe quel principe spirituel ou religieux. Au contraire, je suis tout à fait athée, mais j'essaie de mesurer la distance qu'il y a entre nous et nos cousins, puisque nous avons un lien de parenté, nos cousins les plus proches, qui sont en fait les chimpanzés. Donc cette mesure de distance est une mesure extraordinairement importante pour savoir à quel point nous sommes et à quel point nous ne sommes pas des singes. Est-ce que j'avais... plusieurs fois dit, être et ne pas être un animal. La plupart des gens qui veulent nous rapprocher des collègues ou des philosophes ou des idéologues qui veulent nous dire finalement il n'y a pas de différence entre un chimpanzé et un sapiens se fondent pour l'essentiel sur ce fameux 1,2% de différence génétique. Et je vais revenir dessus dans un instant pour montrer que ça n'a pas de sens. Nous avons 20% de différence au niveau génétique pour ce qui est des mutations avec une souris. Ça veut dire que nous sommes 80% souris. Non, je ne crois pas. Vous regardez, ça ne fait pas tout à fait ça. Ce 1% est dénué de sens. Et je vais vous expliquer pourquoi ce 1% est dénué de sens. Donc, on va parler essentiellement du cerveau, si vous voulez. Je suis neurobiologiste, comme l'a dit Stéphane. Chez les primates, il y a une règle qui est une règle assez générale, qui est qu'il y a un élément de proportionnalité entre la taille du corps et la taille du cerveau. C'est assez normal parce que un cerveau sert essentiellement à sentir et à bouger, c'est-à-dire à intégrer des éléments qui viennent de l'extérieur et à soit les fuir, soit les attraper. Je vous laisse imaginer de quoi il s'agit éventuellement. Ça peut être de la nourriture, ça peut être un prédateur, ça peut être un objet sexuel, ça peut être tout ce que vous pourrez imaginer. Donc cette loi de linéarité, elle est assez intéressante. Et si Sapiens avait cette loi de linéarité, y obéissait, nous aurions un cerveau, vu la taille de notre corps, d'environ 500 cm3. Or, nous avons un cerveau de 900 cm3, c'est ce que j'appelle souvent les 900 cm3 de trop, ceux qui font les hommes de radio, les artistes, les suicidés, les poètes, tout ça. Donc, évidemment, 900 cm3 qui ne sont pas venus n'importe où ni n'importe comment, sont 900 cm3 qui, en plus, sont distribués très différemment de chez un chimpanzé. Parce que notre cerveau a augmenté en taille, et ça, c'est lié à des modifications du processus de développement du système nerveux, sur lequel je reviendrai en 2 ou 3 minutes, parce qu'on n'a pas énormément de temps et que je voudrais laisser du temps pour la discussion avec Stéphane, bien entendu. Petite parenthèse, Alain, ça fait 9 et 5, ça fait 14. Oui, 1400 cm3. Oui, mais... Voilà, non, mais c'était parce que tu ne l'as pas dit. 900 et 500, ça fait 1400, c'est ça? Oui. Oui. Ouais. Ben, ça dépend des cerveaux. Oui. Mais ce n'est pas 500. Anatole France, c'était 1200 cm3. Donc... Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que la taille qui compte dans le cerveau. Donc, en plus, ce n'est pas la taille qui est importante. Un cerveau, c'est la surface du cortex qui est importante. Nous avons un cortex de 2 mètres carrés, d'accord, 2 mm d'épaisseur environ et 2 mètres carrés. Donc, on peut se coucher dans son cerveau quasiment. Voilà. Si on l'étend, hein, c'est comme la Suisse. Si on pouvait repasser la Suisse, ça serait un grand pays, des uns de mes collègues. Donc... Je reviens à cette histoire de taille, c'est-à-dire que non seulement la taille du cerveau a augmenté, mais on a déplacé les bords. C'est-à-dire qu'on a perdu, par exemple, au niveau visuel, on a perdu au niveau olfactif, mais on a augmenté énormément au niveau de ce qu'on appelle les aires cognitives, les aires associatives, les aires linguistiques. Donc, non seulement il y a 900 cm3 de plus, mais ils n'ont pas été introduits n'importe où. Ce qui fait que, vous voyez tout de suite cette différence entre le 1% soi-disant génétique et l'extraordinaire traduction que ça a simplement au niveau d'un organe comme l'organe cérébral. Alors ça, c'est lié à des modifications génétiques, bien entendu. Oui, il y a des différents types de gènes. Il y a les gènes, par exemple, pour la couleur des cheveux, celle des yeux, et au fond, ça n'a pas tellement d'importance. Hein. Mais il y a des gènes qui sont impliqués dans le développement cérébral. Donc tous les gènes ne sont pas égaux. Ça, c'est une première chose. Donc, une mutation qui va tomber dans tel gène ne va pas avoir le même effet qu'une mutation qui va tomber dans tel autre gène. Et puis, l'essentiel du génome, ce n'est pas des gènes qui codent pour les protéines qui vont nous faire fabriquer des cellules, par exemple, tout ce qui est. Ce sont ce qu'on appelle des gènes régulateurs. Donc, 98% du génome est ce qu'on appelait non codant. Hein. C'est énorme. Et si vous tombez dans une séquence régulatrice, une mutation, elle peut avoir des effets qui sont sans commune mesure avec le simple phénomène physique d'une mutation. Hein. Par exemple, si vous avez une mutation qui va faire en sorte que ça va déréguler l'expression d'un gène de développement qui est exprimé spécifiquement dans une région du système nerveux, c'est-à-dire que ce gène va s'exprimer beaucoup plus, pendant plus longtemps, eh bien, vous allez avoir des effets qui vont être démultipliés par rapport à simplement ce simple événement qui est une mutation, je ne sais pas moi, TA, thymidine, adénine, un truc comme ça. Donc, vous voyez que c'est comme la bombe de l'oncle de Boris Vian. L'important, c'est l'endroit où est-ce qu'elle tombe, la mutation, donc d'une certaine façon. Donc, ça, c'est pourquoi ce genre de mesure n'a pas véritablement de sens. Alors, qu'est-ce qui change quand on veut comparer, par exemple, un génome humain à un génome de chimpanzé ou à un génome d'un autre mammifère, hein, je n'ai aucun mépris pour les autres animaux, d'accord. Je veux juste qu'on comprenne que nous sommes une espèce tout à fait particulière. Par exemple, vous avez des gènes qui ont évolué de façon très très accélérée. Donc on peut faire, par exemple, on peut regarder des gènes qui sont conservés dans toutes les espèces et regarder le taux d'évolution de ces gènes, le taux de mutation. Par exemple, il y a des petits ARN, qui sont des gènes qui ne codent pas, mais qui sont des ARN régulateurs. Et on va voir que dans une classe de ces ARN, il y a eu énormément de mutations chez l'homme. C'est-à-dire que ça s'est accéléré au niveau évolutif, incroyable. Et quand on regarde quel est le rôle de ces petits ARN, par exemple, donc, c'est des travaux qui sont en cours, mais il y en a un, par exemple, qui montre que ça diminue, si vous voulez, le temps qu'il faut pour un progéniteur neuronal de faire deux progéniteurs neuronaux. C'est-à-dire qu'on divise les cellules beaucoup plus rapidement dans le système nerveux, donc on fait plus de neurones, par exemple. Vous avez aussi des gènes qui sont conservés dans toutes les espèces et qui sont délétés chez l'homme. Là, on peut pas avoir de mutation, hein. Ils sont juste délétés chez l'homme. Et ce qu'on appelle les condèles, conservés, délétés. Et là, on voit qu'il y a là-dedans des gènes qui sont incroyablement importants dans le développement du système nerveux central et aussi dans d'autres organes, par exemple. C'est comme ça qu'on a perdu nos canines. Vous avez aussi des choses qu'on appelle les duplications de gènes, pas uniquement des mutations ponctuelles. Donc au lieu d'avoir un, vous allez avoir deux, vous allez avoir trois. C'est très important ce qu'on appelle le dosage génique. Vous savez très bien, par exemple, que la trisomie 21, c'est juste une trisomie, c'est-à-dire 3 au lieu de 2. Hein, et les effets, vous les connaissez aussi bien que moi. Donc le dosage de gènes est quelque chose d'extraordinairement délicat. Et ça, c'est lié aux régulations. C'est lié à ces éléments régulateurs qui sont les éléments essentiels, bien entendu, dans l'expression génétique. L'autre chose sur laquelle Stéphane me demandait d'insister, c'est les gènes ne fonctionnent pas tout seuls. Hein, les gènes fonctionnent en réseau. C'est-à-dire que il y a 10 ans, on disait qu'il y a des gènes maîtres. Hein, et en particulier, les gènes de développement, ceux qui font qu'on a les mains ici et pas... Vous voyez, on a les mêmes cellules pour faire un pied et une main. Si vous prenez une main et vous la dissociez par la seule force de la pensée, vous prenez un pied et vous le dissociez par la seule force de la pensée, vous avez les mêmes cellules. Vous avez des fibroblastes, des petits bouts de cellules de poils, d'ongles. Mais ici, c'est une main, et là, c'est un pied. Donc ça veut dire qu'il y a une information de type positionnel, et ça c'est lié à l'expression de gènes qu'on appelle des gènes de développement. Mais ces gènes ne fonctionnent pas seuls, hein, ces gènes fonctionnent en réseau de gènes, c'est-à-dire que vous avez toujours plusieurs gènes qui fonctionnent en même temps. Alors dans le cortex, dans le cerveau, il y a certains chercheurs qui se sont dit, tiens, on va regarder quels sont les gènes qui sont co-régulés, les gènes qui s'expriment en même temps. Et alors là, on peut faire donc des populations de gènes, et on se rend compte qu'il y a des gènes qui sont particulièrement exprimés chez Sapiens, co-régulé chez Sapiens, et pas, par exemple, chez le chimpanzé. Et quand on regarde ce qu'il y a dans ces réseaux de gènes-là, on voit, tiens, il y a des gènes qui sont impliqués dans la formation des synapses. Vous savez, les synapses, dans le système nerveux, c'est important. Puis, il y a des gènes qui sont impliqués dans le métabolisme. Le métabolisme, c'est une des choses les plus magnifiques chez Sapiens. C'est une des choses qui a évolué le plus rapidement. Le cerveau consomme environ 20% de notre énergie quotidienne. C'est 2% du poids du corps. Donc le cerveau est un organe qui consomme une somme d'énergie absolument fabuleuse. Et même à la limite, dans le cerveau, on est à la limite, je dirais, de la crise énergétique. C'est pour ça qu'on peut dire, je crois que sans se tromper, que l'essentiel des maladies neurologiques ou psychiatriques sont finalement des maladies métaboliques. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel, c'est que Sapiens a développé un métabolisme. Alors pour ce qui est du cerveau, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de types cellulaires qui ne sont pas des neurones. Il y a assez peu de neurones dans le cerveau. Dans un cerveau, il n'y a pas plus de 10% de neurones. Le reste sont des cellules accessoires. Ce sont les vaisseaux qui apportent l'énergie. Ce sont les glies qui aussi apportent de l'énergie sous forme de lactate ou de pyruvate. Et donc le rapport glie-neurone est plus fort chez Sapiens, en particulier dans les régions corticales antérieures que dans d'autres animaux. Donc ce truc énergétique est probablement très important, et nous avons une efficacité énergétique qui est très très forte. Alors, c'est là que la culture intervient de cette façon, c'est-à-dire que nous avons dû développer des stratégies, par exemple, de nutrition, qui nous permettent d'alimenter ce système énergétique sans passer toute notre journée à manger. Ça a l'air de rien, mais par exemple, si nous avions une diète de gorille, qui sont des diètes essentiellement d'herbivores, qui ne font pas cuire la nourriture, des choses comme ça, eh bien, il faudrait que nous passions 13 heures par jour, hein, 13 heures par jour à manger. Avoir inventé la cuisine est une des choses qui nous permet de nous nourrir en une heure ou deux par jour. Eh bien, alors maintenant, ça va plus vite que ça encore. Bon, je ne dis pas qu'il faut s'en réjouir forcément, mais qui nous permet de passer du temps quand même à faire d'autres choses que de chercher la nourriture et de l'ingérer. Hein. Donc, ce système énergétique est un système extraordinairement important. Alors, je veux encore insister sur une autre chose, si vous voulez bien. C'est sur le côté néothénique de Sapiens. C'est-à-dire que du fait de la station debout que nous avons évidemment inventée, faire passer le petit par là où vous imaginez qu'il passe, chez les bipèdes, ça nécessite que la tête soit assez petite, parce que sinon ça passe pas. Alors quand la question est à quatre pattes, ça passerait plus facilement. Mais là, ça passe pas. Et donc le cerveau naît immature chez Sapiens. C'est un gros avantage, bien entendu, c'est que l'animal, nous, se développe dans un milieu qui est extrêmement riche. Parce que le placenta, ce n'est pas un milieu culturellement extraordinairement riche. Mais quand on est dehors, on a accès à toutes les modifications, les informations, les stimulations du milieu. Et le cerveau qui se développe pendant plusieurs années après, évidemment modifié sur le plan épigénétique, et je vais y venir dans une seconde, c'est comme ça que je vais terminer, par l'information qui nous vient de l'extérieur. Donc, l'homme est un animal culturel, d'une certaine façon. Donc, il y a trois mémoires, je viens dans un instant. Mais ça aussi, un des avantages, cette affaire, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu des bébés déjà, non? Oui. Certains ont pu en faire, oui. Certains ont pu en faire. C'est assez appétissant, si vous êtes un tigre ou un... Bon, c'est quand même pas désagréable. Donc, nous étions 10 000 en Afrique, il y a environ 200 000 ans, ça varie un petit peu les estimations, mais... Vous imaginez que cet animal incroyablement fragile, hein, qui naît dans un état de nudité et de fragilité extrême, avec finalement des parents qui sont pas très costauds non plus. Ils ont une grande chose, c'est qu'ils peuvent courir très longtemps à cause de ce métabolisme énergétique. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui leur permet de battre à la durée n'importe quel animal à la course et de l'attraper au bout du compte. Mais ils n'ont pas de griffes, ils n'ont pas de dents. Donc, notre survie a été liée à deux choses. D'abord, la technique, la capacité de produire des outils, des armes, d'inventer le feu, et puis aussi de créer des sociétés qui permettent de protéger les petits et de leur donner le temps d'arriver à un âge adulte, l'âge de la reproduction en tout cas. Donc, nous sommes dès le départ des animaux techniques, ce qui nous différencie aussi des singes, et je fais juste quelques traits comme ça pour qu'on puisse avoir une discussion avec Stéphane, mais... Ce qui nous différencie aussi des autres animaux, c'est que nous avons cette mémoire génétique. Hein, tant que les généticiens ne s'en mêlent pas, un œuf de humain donnera toujours un humain et un œuf de poule donnera toujours une poule. C'est une manip qui ne rate quasiment jamais. C'est pas si simple, hein, parce qu'un œuf, c'est une cellule. Vous imaginez une cellule, quelques milliards de cellules plus loin. Hein, vous avez Stéphane de Ligeorge ou une poule, et vous partez d'une cellule. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une information à l'intérieur qui est extraordinairement importante. Vous avez donc cette mémoire, qui est une mémoire génétique, qui est la mémoire de l'espèce, qui est le fruit de l'évolution des espèces. Vous avez la mémoire de l'individu, c'est-à-dire tout ce qui se stocke à la fois dans le système nerveux central, essentiellement, sous forme ce qu'on appelle épigénétique, qui touche à la fois les réseaux de neurones et... la modification de la chromatine, hein, et je sais que Stéphane va me poser des questions là-dessus, donc j'insiste pas, mais il n'y a pas de modification d'un côté des réseaux de neurones et de l'autre du génome, vous avez une modification de la chromatine, c'est-à-dire de la structure de l'ADN dans son habillage protéique au sein des cellules, et puis vous avez une troisième culture, qui est la culture qui se passe de génération en génération, qui fait qu'il y a quelque chose d'extraordinairement important dans notre espèce, c'est que la génération suivante part de là où l'avait laissé la génération précédente. Et avec l'invention de la culture, et en particulier depuis quelques milliers d'années, pas tellement, 2000 ans, 3000 ans, de l'écriture, eh bien, vous avez une troisième forme de mémoire qui fait que notre espèce, je dirais, est comme sortie de la nature. Alors, c'est un destin tragique d'une certaine façon, parce que nous savons où nous allons, hein, tant au niveau individuel qu'au niveau d'espèce. Donc, on pourra reparler des histoires de la COP21 et de comment tout ça va mal se terminer. Mais en même temps, c'est quelque chose d'assez exaltant, c'est-à-dire que Sapiens, de ce point de vue, je crois, occupe une position qui est une position, oui, je pense que c'est une position tragique, mais ça, c'est lié à son génome, à son cerveau, à sa culture, c'est-à-dire aux trois formes de mémoire qui nous sont soit partagées avec d'autres animaux, hein, soit totalement spécifiques, en particulier quand il s'agit de la troisième forme de culture qui nous est... Alors, je ne dis pas que les chimpanzés n'ont pas de culture. Je sais que tout de suite, il va y avoir les défenseurs des chimpanzés. D'abord, je n'attaque pas les chimpanzés. Mais la brindille à termites, le lavage de patates et les trois feuilles de bananier qu'on met pour s'abriter de la tête, quand il pleut, c'est pas la critique de la raison pure. Voilà. Mais c'est pas la bombe atomique non plus. Et c'est pas la bombe atomique non plus, mais c'est ça qui est beau, justement. Donc... Je vous ai tracé en 20 minutes exactement. Hein, j'avais le droit à 20 minutes pour faire le singe. En 20 minutes, je vous ai tracé un tout petit peu le décor. Et maintenant, je suis prêt à me soumettre au feu de la critique. Alors d'abord, pas de critique, une petite précision. Hein. Effectivement, je ne suis pas une poule. Je n'ai pas de parenté très très éloignée. Mais on est comme deux zèbres, mais non zébrés de blanc. Hein, là, tous les deux, les zèbres sont... On ne sait pas de bien d'ailleurs, à fond noir. Zébré de blanc ou l'inverse. En tout cas. Zébré de noir sur noir. En fait, zébré de noir sur noir, selon les matités et les brillances, effectivement. Alors, je voudrais demander à l'impression qu'il revienne sur un point que je trouve, moi, extraordinaire dans son détail, qui est un des arguments dans ce chapitre. Là où il a adouci le propos dans l'énoncé, ou en tout cas nous avons où le propos ou la thématique ou l'intitulé de la thématique a été adouci, parce que dans cet ouvrage, donc Qu'est-ce que le vivant, que Alain Prochian a écrit, le chapitre 5, dont il dit qu'il est nodal, s'appelle Une étrange fureur d'être singe. Bon. Pour être dans l'étrange fureur d'être singe, j'aimerais que vous reveniez sur l'incroyable, puisque une des caractéristiques immédiates, c'est le langage articulé, bien évidemment, mais l'extraordinaire convergence et finesse, nécessité, en particulier par ce qui va être la commande neuronale, pour avoir des mouvements d'une extrême finesse, de la langue, du larynx, et que ça... Mais là, c'est un des cas où... C'est un drôle de gène qui est... Où les mutations se sont produites justement dans des séquences codantes d'un gène, ce qui est finalement relativement rare, hein, par rapport aux mutations importantes qui se produisent plutôt dans les éléments régulateurs, comme j'ai essayé de vous le dire très rapidement. Donc c'est un gène qui a été identifié à partir de familles qui ont des problèmes au moins d'élocution linguistique et peut-être même de grammaticale. Un gène qu'on a appelé FOXP2, et qui est un des gènes qui a montré une évolution accélérée chez Sapiens. C'est pas un gène qui, au départ, est impliqué dans la cognition, bien qu'à l'arrivée, il soit quand même impliqué dans la cognition. C'est un gène qui est plutôt impliqué, si vous voulez, dans la finesse des mouvements moteurs. C'est-à-dire que, pour parler, il a fallu d'abord que le larynx descende d'un cran, ce qui, d'ailleurs, est dangereux, parce que c'est une des raisons pour lesquelles vous faites des fausses routes quand vous allez de travers. Si le larynx était plus haut, on a moins de chances de s'étrangler en mangeant sa soupe allongée, par exemple. Hein. Donc, ce qui est un cas assez fréquent pour les gens qui sont malades, soit temporairement, soit malheureusement de façon plus prolongée. Et ça, c'est un gène qui est très très fort pour contrôler la finesse des mouvements moteurs. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que de parler... Mais ça demande que la langue, les dents, le larynx, les lèvres soient extraordinairement modulées dans leur façon de se mouvoir. Et c'est un processus qui est essentiellement un processus moteur au départ. Très ajusté, donc, très finement ajusté. Donc de ce fait, oui, il est possible que l'invention du langage parlé, en tout cas, ait été une invention des systèmes moteurs. Chez les chimpanzés, puisque nous allons revenir aux chimpanzés, qui ne parlent pas comme les sapiens parlent, bien sûr qu'ils s'envoient quelques signaux, je ne vais pas imiter les chimpanzés, je ne vais pas effrayer les masses, mais... Mais tu pourrais le faire. Mais je pourrais, oui, sûrement. Mais il y a l'imitation avec les mains. Il y a des théories qui veulent dire qu'en fait, ces neurones qu'on appelle les neurones miroirs, par lesquels un singe peut en imiter un autre ou supposer ce qu'il pense d'une certaine façon pour les singes les plus évolués, et je sais que je voudrais pas trop parler d'intentionnalité, mais je pense que Stéphane aurait voulu m'en faire parler, mais qu'au fond, cette espèce de langage de mimétisme et d'essayer de s'imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre, parce que si vous voyez un singe manger une banane, l'autre singe qui voit le singe manger la banane doit avoir des neurones moteurs ou prémoteurs qui vont se mettre en activité comme si lui-même mangeait une banane. Donc il y a des gens qui pensent que ça pourrait être l'origine du langage, oui, un truc comme oui. Ça. C'est pas du tout ma spécialité. Moi, je vous parle exactement comme quelqu'un qui lit le journal, enfin, un journal scientifique, mais c'est pour ça que je tiens pas tellement à ce qu'on aille me chercher trop là-dessus. Je suis plus à l'aise dans le génétique et l'épigénétique, Stéphane. N'allez pas me mettre en difficulté. Non. Alors, un autre détail aussi qui montre que plusieurs choses ont concouru. Bon, évidemment, cette sorte d'explosion de ce néocortex. D'ailleurs, le mot, vous le dites à un moment, vous dites c'est une monstruosité. C'est comme une sorte de monstruosité que ce volume énorme, en plus, qui ne respecte pas la règle de proportionnalité. Mais il y a un autre exemple aussi qui montre la concurrence à l'émergence du sapiens. On peut revenir immédiatement après au langage, c'est qu'on doit obligatoirement être des singes ou des sapiens nus. Puisque aucun des grands primates supérieurs ne peut courir. Parce qu'ils ont trop de poils. Ils ont trop de poils. Il a fallu qu'on vienne glabre. C'est pas uniquement qu'ils ont trop de poils, c'est qu'ils ne sont pas bipèdes. Mais ils peuvent courir bipèdes aussi. Quand je parlais du métabolisme, les humains ont un métabolisme extraordinairement efficace. Hein. C'est très important pour le cerveau, bien entendu, parce que c'est une machine métabolique tout à fait extraordinaire, ça, qui fait énormément ce qu'on appelle d'ATP, c'est-à-dire la source de l'énergie. En même temps, beaucoup de radicaux libres, parce que chaque fois qu'on fait de l'ATP, on fait aussi des radicaux libres qui ne sont pas forcément bons pour le cerveau, donc c'est un équilibre assez compliqué. C'est pour ça que je parlais des maladies cérébrales, qu'elles soient psychiatriques ou neurologiques, d'origine métabolique, entre guillemets. Mais pour ce qui est de l'efficacité métabolique, la course à pied en l'occurrence, nous sommes les seuls animaux qui peuvent courir 40 km. Il n'y a pas de marathonien chez les antilopes. Hein. Et il y a pas mal de travaux qui ont été faits qui montrent qu'un humain, bien entraîné, peut courir derrière une antilope et finalement l'épuiser à la course de telle sorte qu'il n'a plus qu'à la ramasser pour la manger. Il n'y a que Sapiens qui peut faire ça. Alors, c'est lié à la position bipédique. C'est aussi lié au fait qu'il a perdu sa fourrure, comme vous savez. Oui. Enfin, pas partout, mais presque partout. Et on peut noter aussi que c'est une des conditions de son essor diasporique. Tout à l'heure, vous disiez qu'au début, la tribu primitive, grosso modo, pour l'appeler comme ça, était quelques 10 000. Et là, on peut évidemment changer de milieu, on peut s'adapter, parce que aussi il y a cette endurance de marche. Mais Sapiens, c'est la seule espèce qui occupe 75% de la surface de la planète. Malheureusement. Aucune autre espèce n'a pu faire. Malheureusement, je ne crois pas. On a même été sur la Lune, au cas où vous étiez là en 62. Il fallait le faire quand même. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être sensible à la beauté poétique de cette chose. En 1912, vous aviez ces malheureux avions ridicules, hein, ou 1907, qui faisaient 100 mètres et qui allaient s'écraler le nez par terre. 50 ans plus tard, vous êtes sur la Lune. C'est quand même un bon... C'est pas uniquement de la technique. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la beauté, quand même. Enfin, moi, ça me fascine, même si le résultat, à terme... Mais enfin, toutes les espèces ont un début, un milieu et une fin. Peut-être que l'anneau viendra plus vite. Il faudra juste en profiter avant qu'après. Alors, il y a un autre point aussi qui peut être dans le prolongement, parce que j'ai le sentiment, en étant un observateur extérieur, un des triomphes de la biologie à la fin du XXe siècle a été justement la découverte de ces gènes OX, de tous ces gènes maîtres, qui donc agissent au moment du développement et font que dès le départ il y a un haut, un bas, une latéralité, un ventre, un dos, et qu'on a pu comprendre comment se jouait cette espèce d'algèbre fine pour arriver donc à nous donner forme. Ça, c'est une chose tout à fait extraordinaire, effectivement. Oui. C'est extraordinaire parce que... Vas-y, excuse-moi. Non, mais parce que... Excuse-moi. Je voudrais simplement montrer qu'il y a, à mon sens, maintenant, dans ce 21e siècle, c'est peut-être ce qui se passe avec le microbiote, puisque là, d'un seul coup, on voit qu'on est des êtres de part en part, des êtres symbiotiques, puisque chacun d'entre nous avons 1,5 kg de bactéries, champignons et virus, et qu'on en a besoin. Mais une autre révolution, un autre développement qui concerne cette fois directement Alain Prochian, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que je lance cette formule, et après c'est lui qui explique, parce que c'est en plus assez difficile à comprendre. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Mais jusqu'ici, on disait que tout était sous la commande du génétique. Épigénétique, c'est ce qui se fait... Alors c'est dans ce sens-là où on le prenait. Par exemple, au 18e, ça a eu un autre sens par rapport à l'ovisme ou d'autres doctrines. Mais en tout cas, c'est ce qui se passait au cours du développement. C'est-à-dire que l'individu naissait et les éléments de l'environnement lui donnaient une histoire et donc façonnaient une singularité qui était cet individu. Et là, maintenant, ça descend au niveau du gène. Et donc, la génétique reste, mais il y a quelque chose qui appelle cette formule, on la doit à une des collègues, Edith Hearn, qui est aussi professeure au Collège de France, c'est qu'il y a la génétique, et puis il y a la lecture de la génétique, et chacun la lit différemment. Et ça, c'est la nouvelle façon de faire ou de voir la génétique. Ah là, il y a 1000 questions. Hein. Oui, mais peut-être qu'on peut expliquer le principe. Je vais juste en traiter une tout de suite, oui, qui est celle des gènes de développement. Elle est très importante, la question des gènes de développement, parce que, je vous disais tout à l'heure, vous prenez un pied et vous le dissociez, et ça fait les mêmes cellules que si vous prenez une main et que vous la dissociez. Mais quand ces cellules s'organisent au niveau ici, ça fait une main, et quand c'est à ce niveau-là, ça fait un pied. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a un code des interactions cellulaires qui fait que les cellules, les mêmes cellules en une position 1 et les mêmes cellules en une position 2 vont pas faire le même organe. Et ça, c'est lié à des gènes qui sont des gènes qui codent, qui ont ce qu'on appelle de l'information positionnelle et qui sont des gènes de développement de la famille des Hox dont tu parlais, mais il y en a beaucoup d'autres de cette famille. Donc, quand ces gènes ont été découverts, en particulier à la suite de modifications monstrueuse chez les mouches, chez la mouche drosophile, on a fait un énorme progrès dans la biologie. Je pense que c'était un progrès décisif parce que le vivant, ça se définit par rapport à... Nous sommes faits de matière, hein, bien entendu, de molécules, nous sommes faits d'atomes. Mais s'il y a une science du vivant, c'est une science de l'évolution, du développement et de la reproduction. D'accord ? Donc, tout ce que les cailloux ne font pas, hein, encore. Pour faire une théorie du vivant, il fallait comprendre comment la génétique, le développement et l'évolution étaient liés. Et la découverte de ces gènes a permis de faire le lien entre ces trois phénomènes, parce que les modifications de forme au cours de l'évolution sont évidemment liées avec des modifications de ces gènes morphogénétiques, hein, ou de la régulation de leur expression, essentiellement. Donc, quand on a mis la main sur ces gènes, on a probablement mis la première pierre dans l'élaboration d'une véritable théorie du vivant qui subsume ces trois caractéristiques qui caractérisent le vivant. Donc, pour un théoricien, c'était un moment tout à fait exceptionnel. Alors, pour ce qui est de génétique et de l'épigénétique, et ensuite un tout petit peu d'individuation, si oui, vous le laissez, oui, hein. Justement. Donc, pour ce qui est de génétique et de l'épigénétique, c'est pas une histoire tout à fait nouvelle. Weissmann, au 19e siècle, avait distingué ce qu'on appelait la lignée germinale de la lignée somatique. Les cellules fibroblastiques, les cellules nerveuses, n'expriment pas les mêmes gènes. C'est-à-dire que si une cellule nerveuse exprimait les mêmes cellules qu'une cellule musculaire, elle ne serait pas une cellule nerveuse, elle serait une cellule musculaire. Ce qui veut dire que parmi tous les gènes qui sont conservés, plus ou moins, dans toutes les cellules, il y en a qui sont silencieux et il y en a qui sont non silencieux. et ne sont pas les mêmes en fonction des différents types cellulaires. Donc Weissmann, lui, pensait que tous les gènes étaient présents dans la lignée germinale, ce qu'on passe à la génération suivante, mais que quand on devient un neurone, on perd certains gènes, et quand on devient un fibroblaste ou un muscle, on perd d'autres gènes. Alors en fait, ce n'est pas le cas. On a toujours tous les gènes. Toujours ou presque. Hein. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais en gros, on a presque toujours tous les gènes. Et la question, c'est de savoir comment se fait-il que dans tel type cellulaire, c'est telle catégorie de gènes qui s'exprime, et dans tel autre, c'est tel autre. Il y a eu plein d'expériences qui ont été faites pour essayer de comprendre ça. Et les plus récentes sont celles qui ont fait un bruit extraordinaire il y a simplement en 2008, quand un groupe japonais a montré qu'on pouvait prendre un fibroblaste et lui faire subir un traitement en lui exprimant 4 gènes et le transformer en cellule embryonnaire, c'est-à-dire refaire entièrement une souris à partir d'un fibroblaste ou d'une cellule musculaire. Et donc on a montré qu'on pouvait faire marche arrière, c'est-à-dire effacer les marques épigénétiques qui font que c'est tel lot de gènes qui s'exprime et pas tel autre. De revenir à un état pluripotent, c'est-à-dire d'une cellule qui peut tout faire. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important parce que ça veut dire que vous avez dans votre génome des modifications qui sont liées essentiellement à des protéines qui sont, on appelle des histones, qui sont modifiées, ou à des méthylations de ce qu'on appelle des cytidines, c'est-à-dire des CPG méthylés essentiellement, et pas uniquement des CPG maintenant, mais en tout cas des cytidines méthylés, qui font qu'on va faire ce qu'on appelle de l'euchromatine, où les gènes sont exprimés, et de l'hétérochromatine, là où les gènes ne sont pas exprimés. Et ça, c'est évidemment quelque chose de fascinant, parce que au cours du développement, évidemment, vous allez tout d'un coup modifier les marques épigénétiques. Alors, c'est fascinant d'un point de vue développemental, mais si vous pensez à un système nerveux, c'est aussi extraordinairement fascinant parce que ça a à voir avec le processus d'apprentissage. Chaque année, chacun d'entre nous recompose l'essentiel de son corps. C'est-à-dire que nous regagnons 80 kilos en cellules tous les ans. Donc, pour le cerveau, on perd des neurones, on en remet, il y a de la neurogenèse dans le cerveau, il y a moins de reproduction dans le cerveau, mais il y en a un petit peu. Mais il faut voir qu'au fond, si vous prenez Stéphane Delesgorges il y a 10 ans et Stéphane Delesgorges aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes cellules, à part quelques vieux neurones qui sont restés. Très usagés. Très usagés. Et pourtant, quand je l'ai revu, ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vu, je l'ai immédiatement reconnu. Hein. Ça veut dire qu'il y a de la morphogénèse chez l'adulte, hein, et que cette morphogénèse, elle continue de suivre une sorte de plan. Ce même plan dont je parlais avec les gènes homéotiques, les gènes OX, etc. Ça, et qu'on retrouve les mêmes marques épigénétiques, d'une certaine façon. Il s'est trompé, il a une mauvaise mémoire. Hein. Il a dit 10 ans, non, il a été invité à France Culture il y a 3 ans, 2 ans, quand son livre sort. Oui, mais il y a des trucs que j'efface. Oui, d'accord, effacement, d'accord. Je suis un type un peu faible, des fois, j'oublie des choses. Donc, de peu d'importance. Alors, pour ce qui est des neurones, il y a des périodes d'apprentissage très très importantes. On appelle ça des périodes critiques. C'est-à-dire, au cours du développement, il y a des périodes où on est obligé d'adapter son cerveau à l'environnement. Il y a une période très importante que vous connaissez tous, qui s'appelle la puberté, par exemple, où les hormones débarquent, et c'est une véritable métamorphose physique. Hein. Vous ne voyez plus le monde de la même façon. Le monde, entre guillemets, ne vous voit plus de la même façon. Et vous-même, vous ne le voyez plus tout à fait de la même façon quand vous vous mettez devant une glace, d'accord, au moment de cette transition. Et c'est quelque chose d'extraordinairement violent. Et à ce moment-là, se passent des choses dans le cerveau qui fait que votre cerveau doit s'adapter à ça. Donc ça, ce sont des périodes critiques. Il y en a aussi pour la vision binoculaire, il y en a pour l'apprentissage des langages, il y en a pour l'apprentissage de la musique. Vous savez très bien qu'on n'apprend pas une langue étrangère aussi bien à 25 ans qu'à 4 ou 5 ans. Donc, il y a une sorte de plasticité épigénétique très très forte pendant cette période qui se perd un peu chez l'adulte, mais qui ne se perd pas complètement. Excuse-moi, vas-y, oui. Non, je voudrais simplement poser le problème, parce que je suis très curieux de la réponse. Il y a une chose qui est singulière, c'est que donc il y a cet alphabet. Je vais dire les choses de façon évidemment très grossière et métaphorique, qui est le code génétique, donc avec un certain nombre de gènes. Et cette affaire d'épigénèse actuelle, avec ces groupes méthyl, c'est qu'il y a des groupes qui se mettent, et qui ont des composition différente et qui viennent se loger entre ces différents gènes. Et là, ça donne une singularité à l'ensemble, c'est-à-dire que c'est ça le coup de la lecture. Ou plutôt, il y a l'écriture, et puis ensuite, eh bien, il y a lire la phrase. Bon. Et pour faire image de façon forte, il y a un dogme qui n'a évidemment jamais été trahi en théorie de l'évolution, en darwinisme, en néo-darwinisme strict, c'est qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis. C'est le coup de la girafe qu'elle a passé, la longueur du cou de la girafe qu'elle a passé à ses enfants à force de s'être étirée pour bouffer les épines d'acacia, ça marche pas. C'est pas comme ça. C'est une mutation, ainsi de suite. En tout cas, il y a quelque chose qui a été testé, c'est que avec ces affaires de méthylation, il y aurait de façon transitoire quelque chose qui resterait. Et en particulier des gens qui ont connu des disettes et qui en ont souffert psychologiquement, et qui donc ont eu des traumas psychologiques à partir de là, eh bien on les retrouve deux générations après. Ça a été testé, je ne sais pas quelle est la validité, la reproductibilité, là encore, de cette expérience, mais des gens qui ont donc sont des descendants de ceux qui ont connu la Shoah, ont des troubles très apparentés à cette angoisse dont on se doute bien qui a saisit les gens dans ce malheur. Je vais revenir là-dessus si j'ai le temps. Je vais quand même continuer un tout petit peu, si tu veux bien, sur cette D'accord. histoire d'apprentissage, parce que c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que nous continuons à avoir, au cours de la vie adulte, une capacité d'apprentissage qui reste ouverte. C'est-à-dire que, je vous dis souvent, on ne se baigne jamais deux fois dans la même personne. Et ça, c'est très important pour les sapiens, parce que nous nous reproduisons assez peu. Nous mettons à 2, on en fait 2,1. Ça nous prend une quarantaine d'années. Et l'adaptation à l'environnement ne peut pas être liée sur une sélection génétique comme chez un ver nématode ou une bactérie. Ce qui fait que la charge de l'adaptation au milieu est liée à ce qu'on appelle l'individuation. Et quand vous faites une modification de votre réseau neuronal dans le système nerveux qui vous permet, en fait, d'apprendre, hein, de comprendre, d'apprendre, éventuellement de produire les objets techniques qui vont être nécessaires, par exemple, pour anticiper ce qui va se passer avec les 2 degrés qu'on va prendre dans les 50 ans qui viennent, fabriquer des mécanismes pour stocker le carbone, faire de la transgénèse animale pour faire des animaux adaptés au climat qui vont arriver, qu'on puisse faire de la nutrition, etc. Ça, c'est le cerveau qui va évidemment inventer ces choses-là. Et ces modifications des réseaux neuronaux qui font qu'on construit des stratégies adaptatives au niveau d'individus s'accompagnent évidemment aussi de modifications épigénétiques au niveau des chromosomes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre indépendant ce qui se passe au niveau de la construction d'un réseau de neurones de ce qui se passe au niveau d'une modification de la structure de la chromatine. Donc ça, c'est pour ça qu'on a une mémoire stable, parce que ce qui se passe à la synapse renvoie à ce qui se passe au niveau du noyau. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que par le fait que nous sommes sapiens, c'est que nous avons, c'est pas à l'extrême, parce que ça existe aussi chez les autres animaux, bien entendu. Je ne veux pas dire que nous sommes des animaux, donc nous produisons d'évolution, donc il y a des choses communes chez les animaux et chez nous. Mais c'est poussé à l'extrême chez sapiens, cette force d'individuation qui fait que, au fond, nous sommes capables d'inventer et de nous modifier au niveau individuel pour répondre aux défis qui sont portés par les modifications de l'environnement. Ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors, pour répondre à l'autre question, alors la question du lamarckisme, je pense que c'est tout à fait faux. Je vais vous donner un exemple. Il y a une partie du génome humain qui est très importante et qui est plus ou moins silencieuse, mais c'est 40% du génome humain est constitué par ce qu'on appelle des rétrotransposons, c'est-à-dire de l'ADN sauteur. C'est-à-dire que vous avez des séquences qui sortent, qui font de l'ARN, qui sont transformées en ADN et qui se réinsèrent dans le génome. Et la plupart de ces transposons sont fossiles, c'est-à-dire que ça ne saute plus. Mais ce sont d'anciens fragments d'ADN qui ont sauté et qui sont fossilisés dans le génome. Ils codent pour des ARN qui sont des ARN régulateurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entièrement silencieux, mais il saute assez peu. Mais nous avons encore, dans notre génome, une centaine de transposons qui sont actifs. C'est-à-dire qu'ils sont capables de sortir, de se rétrotransposer et de se réinsérer. Et ça, ça provoque des mutations, bien entendu. Ça provoque des modifications. Ça se fait essentiellement, mais peut-être pas, dans des cellules qui sont capables de se diviser. Si une chose comme ça se passe dans un neurone, ou si une chose comme ça se passe dans un muscle, ça ne va pas passer à la génération suivante. Ou alors, il faut croire aux théories de Weissmann. Mais si ça se passe dans une cellule germinale, alors évidemment, cette mutation qui se passe dans une cellule germinale peut passer à la génération suivante. C'est pour ça que ces phénomènes de rétrotransposition sont inhibés très très fortement au niveau des cellules germinales par une classe de protéines qu'on appelle, excusez-moi, PIWI. Bon. Mais dans un cas de stress très très important, eh bien, il y a une inactivation de ces phénomènes de répression de la rétrotransposition. Et à ce moment-là, vous allez avoir la génération de mutations très importantes, y compris au niveau des gonades. Et s'il y a une solution qui est trouvée, une situation de stress, par quelques spermatozoïdes ou ovules, mais essentiellement spermatozoïdes, parce qu'il y en a quand même plusieurs centaines de millions à chaque fois, eh bien, il peut arriver que le gagnant, celui qui va pénétrer l'ovule, ait eu une mutation liée au stress de l'individu qui portait. Et donc là, vous avez une mutation qui peut être une adaptation, ou pas d'ailleurs, mais qui va, puisque c'est dans la lignée germinale, se propager à travers les descendants. Hein. Et ça, ça a été démontré par une dame tout à fait extraordinaire qui s'appelle Suzanne Lidquist, qui a travaillé chez la mouche drosophile. Et c'est des mouches drosophiles qu'on a fait pousser dans des milieux qui inactivent ce qu'on appelle des protéines de heat shock, des protéines qui stabilisent, en fait, qui sont très importantes pour avoir un développement stabilisé. Alors, quand on inactive ces protéines, on fait des monstres, comme nous, quoi. Hein. Ah non, mais vraiment vilain, les monstres. Des vrais monstres. Que tu m'as dit. Donc, vous voyez, des mouches qui ont des poils dans les yeux, des trucs absolument épouvantables. Mais elles sont capables de survivre dans des conditions qui sont tout à fait inhabituelles, c'est-à-dire avec des protéines de heat shock extrêmement fragilisées, voire inactivées par ce qu'on appelle la gentamicine, qui est une drogue. Et au bout d'une vingtaine de générations, on retire la drogue et on se rend compte que les mouches ont toujours des poils dans les yeux. Et on se dit, bon, ben, voilà, hérédité des caractères acquis. En l'occurrence, non. C'est parce que les mouches qui ont été sélectionnées sont des mouches qui ont été sélectionnées à partir de mutations dans les lignées germinales qui ont fait qu'elles ont trouvé la solution génétique. C'est du darwinisme, mais c'est plus du darwinisme au niveau de la compétition interindividuelle des individus. Bien sûr. C'est du darwinisme au niveau de la compétition interindividuelle des cellules germinales, ce qui est complètement différent. Mais ça reste un darwinisme, c'est un darwinisme cellulaire dans ce cas-là, d'accord ? Donc il faut faire très attention, bien sûr. Parce que ce que je dis est peut-être faux d'abord. Mais est-ce qu'on a vu des effacements avec l'épigénétique? Puisque, si j'ai bien compris ce que dit à un certain moment Edith Hurd, mais vous êtes concerné aussi dans le développement du cerveau, ce qui était par exemple une certaine signature ou une certaine lecture épigénétique peut complètement s'effacer. Ça ne va pas passer trois générations, par exemple. Les marques, ce qu'on appelle les marques épigénétiques, sont des marques métastables, c'est-à-dire que sinon on ne pourrait pas prendre un fibroblaste et le transformer en cellule germinale pour refaire une souris complète. C'est-à-dire que les manips qui ont été faites en 2008 à partir de fibroblastes avec la transfection de 4 gènes, et tout d'un coup j'ai effacé toutes les marques épigénétiques et j'ai refait une cellule capable de faire une véritable souris, c'est-à-dire se comporter comme un œuf. Hein, eh bien, ça veut dire que ces marques sont évidemment pas totalement stable. Il n'y a rien de véritablement stable dans la nature. C'est un truc qui est même les marques épigénétiques. Donc, et d'ailleurs, au cours du vieillissement, ce qui se passe, c'est que justement, il y a des marques épigénétiques qui se modifient. Par exemple, si vous avez une maladie neurologique qui est liée à une mutation, par exemple, il y a des formes familiales de maladie de Parkinson, hein, ça existe, vous ne l'attrapez jamais avant d'avoir 40 ou 50, voire 60 ans, même si la mutation est là depuis le début. Le bébé n'est pas parkinsonien. Il ne devient parkinsonien, le bébé, que quand il a atteint 50 ou 60 ans, même si la mutation était là depuis le départ. Et ça, c'est lié au vieillissement progressif de la cellule qui, à un certain stade de vieillissement, devient beaucoup plus sensible à la mutation. Et ce vieillissement progressif, c'est justement des modifications des marques épigénétiques liées aux radicaux libres, pour l'essentiel. Et donc, vous avez une déstructuration de votre hétérochromatine, et là, tout d'un coup, vous avez une expression illégitime de gènes qui sont normalement réprimés, ça participe du vieillissement, et la catastrophe s'ensuit. C'est-à-dire que nous en sommes, beaucoup d'entre nous dans cette salle, nous vivons cette catastrophe de façon quotidienne. Voilà. Mais bon, alors, c'est la vie. C'est la vie aussi du temps qui court et il est pratiquement terminé le temps qui nous est imparti. Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a un quiproquo que je voudrais lever avec vous, Alain Prochian, c'est évidemment dans cette position où vous montrez la singularité, la spécificité, et en particulier à travers les processus d'individuation de l'espèce humaine, ce hiatus qui a été fait, ces anatures, vous n'êtes pas en train de ramener par la bande ce qui a été longtemps considéré comme le propre de l'homme, l'homme loquace, qui serait comme le sommet des êtres dans une vision où un dieu créateur aurait fait une hiérarchie, il aurait mis l'hippopotame. Non, il n'y a pas d'échelle des espèces, ça c'est une chose qui a été réglée depuis belle durée. Nous ne sommes pas mieux que les autres espèces. D'ailleurs, je ne sais, peut-être que dans quelques années, c'est même probable. C'est pas Sapiens qui restera sur la planète. Ça peut être d'autres espèces animales qui gagnent, parce qu'elles seront mieux adaptées aux conditions que peut-être nous-mêmes nous aurons contribué à créer en déréglant un certain nombre d'éléments climatiques. Pour respecter simplement votre demande, parce qu'il y a un quiproquo possible et quelque chose qui vous agace, vous avez le sentiment, Alain Prochian, qu'il y a une espèce qu'on peut voir à travers donc une certaine façon de magnifier la nature, de mobiliser un concept de nature de façon presque religieuse, et là, ça vous agace aussi. Oui, je pense que la nature est devenue une nouvelle religion. L'homme fait partie de la nature, et en même temps, il a été comme expulsé de la nature à cause de ce cortex monstrueux. Donc, si on voulait laisser faire la nature, eh bien, laissons faire la nature, l'homme va disparaître. L'homme, l'animal humain, ayant par les artefacts qu'il a créés, la température va monter de 4 degrés. Le cyborg n'est pas loin. On peut laisser faire, et puis, ben voilà, c'est pas très grave. voilà, on en aura profité avant, et puis c'est terminé. C'est ce que j'appelle l'essence tragique de l'espèce humaine. Mais ce qu'on peut aussi, c'est utiliser justement ce cerveau extraordinaire que nous avons, pour nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, c'est-à-dire créer les outils techniques qui font qu'on va pouvoir lutter contre ces modifications que nous avons créées nous-mêmes. Donc, c'est très bien ça, c'est très bien, parce que on peut quand même revenir à cette idée, et là je vais pas vous lancer dans un domaine que vous n'avez évidemment pas étudié, Alain Prochian, mais encore une fois répéter que dans cette volonté de comprendre et de connaissance, avec les études qui font que par exemple, vous êtes absolument, immanquablement, comme tous les autres scientifiques conséquents, dans une approche profondément matérialiste dans votre méthodologie. Il n'y a pas des forces obscures, il n'y a pas des chimères qui font bon. Donc vous avez déclaré que vous étiez athée dès le départ. Je peux affirmer que vous êtes un matérialiste strict, en tout cas méthodologiquement, c'est sûr, quand vous commencez à travailler sur la synapse et sur les groupes méthyles qui viennent foutre un petit peu la pagaille. Mais on peut aussi donc voir ce hiatus, on peut voir aussi des situations de continuité, c'est-à-dire où là, eh bien ma foi, par le jeu des mutations, et comme la biologie est une histoire, vraiment, on peut remarquer qu'avant Sapiens, déjà l'homme faisait des outils. On peut remarquer aussi que les cultures animales, évidemment, n'ont pas ce que vous avez dit, c'est-à-dire la capacité de s'échanger, c'est-à-dire qu'effectivement, les macaques du Japon, qui la première qui a salé une patate dans l'eau de mer, elle l'a appris aux autres. Et ceux, les chimpanzés de l'Est qui font des danses de la pluie, et ceux de l'Ouest qui s'abritent avec des feuilles de palmier, ce sont des microcultures, ou c'est oui, presque métaphoriquement et des même cultures. Même elles sont différentes, c'est-à-dire qu'en différents biotopes, les mêmes espèces peuvent avoir des cultures différentes. Oui. Il ne s'agit pas de dire que les animaux n'ont pas de culture. Même les pies ont des cultures. Oui. C'est-à-dire que je suis darwinien, ce qui veut dire que l'expression des sentiments chez les animaux, qui est un magnifique livre de Darwin, bien entendu qu'il y a une continuité, mais il y a aussi une discontinuité. Et je pense que cette discontinuité, elle est essentiellement liée à l'invention des cultures. Ces animaux, si vous voulez, peut-être que plus tard, d'ailleurs, ils vont évoluer dans un sens, quand on aura disparu, ils auront la liberté d'évoluer pendant quelques millions d'années et peut-être donner des espèces tout à fait extraordinaires. C'est pas du tout impossible. Mais ils n'inventent pas des choses nouvelles. C'est-à-dire que chaque génération repart de l'endroit où la génération précédente ne l'avait pas laissé. C'est-à-dire qu'elle repart de zéro. On accumule, nous. Nous, on accumule. Et oui. Non seulement on accumule de façon accélérée. Je vous donnais l'exemple des avions. C'est vrai que ça a été très lent d'aller... Et puis tout d'un coup, paf, sur la Lune. Donc ça, c'est des choses... C'est vraiment très très propre à Sapiens. Oui. Aucune bête ne l'aurait fait, cher Stéphane. Bien sûr, et vous n'êtes pas dans le propre de l'homme magnifié, déifié, bien sûr. Mais un seul exemple, là vous ne pourrez pas le commenter évidemment parce que ce n'est pas votre domaine, mais il y a une chose qui est tout à fait étonnante. Les primates supérieurs, les bonobos, les chimpanzés n'ont pas de langage articulé. On a déjà vu toutes les mutations qui étaient nécessaires pour avoir ces appareils moteurs même, pour avoir un langage articulé qui va désigner par des segments sonores des choses qui n'ont aucune relation. Je dis table, ça peut se dire de mille façons dans d'autres langues avec une capacité combinatoire énorme. Et puis aussi, on est persuadé qu'on a tous une théorie de l'esprit entre humains. Je sais qu'il est foutu comme moi, je suis foutu comme lui, comme nous tous. Et une des conséquences dont on est tellement sûr qu'on a une théorie de l'esprit, c'est qu'on est capable, on a tellement bien compris par nous-mêmes ce qu'on était, qu'on est capable de mentir. Oui, mais de feinter l'autre. Stéphane, les singes ne l'ont pas encore. Excusez-moi de vous arrêter une seconde, mais si je vous dis que vous allez refaire chaque année votre poids en cellule, que vous perdez vos neurones, que vos synapses se refont, que vos méthylations se font, je peux vous poser la question, qu'est-ce qu'être soi ? C'est-à-dire la question est vertigineuse, d'une certaine façon, pour un humain. C'est-à-dire que nous ne savons pas ce que ça veut dire que d'être soi, sinon que d'avoir une carte d'identité avec sa photo qui nous confirme que nous sommes bien nous-mêmes. Et en même temps, le rôle du langage est là extraordinairement important parce que le langage nous permet de nous raconter notre propre histoire. Fut-elle fantasmée, d'ailleurs ? Et donc, de faire qu'on se reconstruit sans cesse comme étant soi. Ce qu'une vache ne peut pas faire, parce qu'une vache vit dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas dans une histoire de l'individu. Et nous pouvons vivre dans notre propre histoire parce que nous sommes capables de nous la raconter. Et c'est là qu'évidemment, le langage, et puis plus tard la littérature, jouent des rôles tout à fait importants dans... l'évolution de l'espèce humaine et dans l'évolution des individus, dans l'individuation. C'est pour ça que nous sommes une espèce très, très particulière, même si nous sommes des bêtes, mon cher Stéphane. D'accord. Alors, je propose juste comme en miroir une autre proposition. Simplement, je l'emprunte à Georg Lichtenberg, qui, lui, n'a pas fait cette étrange fureur que d'être singe, mais il a dit, parce que c'était un esprit moqueur, « De tous les animaux du monde, l'homme est le plus proche du singe. » Faudrait voir. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre attention. Merci à Alain Prochian, qui est dans ses nouvelles fonctions en plus, chercheur effréné, mais en plus administrateur d'une institution unique. Et qui va d'ailleurs partir en courant, tellement il a du boulot. Merci à lui d'être venu, en tout cas encore une fois, merci à vous et de votre écoute. C'était Continent Science, une émission enregistrée le samedi 13 février. Dans le cadre du forum L'année vue par les sciences, en partenariat avec Science et Vie et avec le soutien du rectorat de Paris.